France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est le retour en direct de la panique au Mangin Palace, épisode 85. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 9 septembre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Sarkozy Family à Wolfboro ou infirmière bulgare à Tripoli. Tu es Vélib à Paris ou dopé sur le tour. Tu es gros paquet fiscal et bourse en rade. Tu es sarkozyste de gauche et tu es aussi... Été pourri, on entend que cela, ça revient comme une antienne. Ni vous ni moi et pour cause n'y pouvons rien. Pour nous, hélas, le mot canicule n'a plus de sens. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es l'été 2007. Tu es souvenir de vacances. Alors, depuis quelques jours, les mômes ont repris le chemin des écoles et, comme d'habitude, pour leur première rédaction de la rentrée, la maîtresse leur a sans doute demandé de raconter leurs souvenirs de vacances. Donc, dans cette pure tradition scolaire, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de se plier à ce petit exercice. Le sujet, deux points, raconte ton premier été à Sarkolande. Et pour commencer, justement, du concert de Michel Polnareff à l'hospitalité du colonel Kadhafi, il faut revenir sur ces sublimes semaines estivales du clan Sarkozy. Ensuite, par opposition, nous essaierons durant quelques minutes de nous lancer à la recherche de la gauche pour savoir sur quelle plage déserte elle a planté son parasol cet été. D'ailleurs, on enchaînera par une petite fiction fabriquée par le groupe d'intervention surréaliste qui nous offrira sa vision personnelle et futuriste de notre avenir politique. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons comment cet été, Saint-Pierre a dû travailler plus, mais sans gagner plus, puisque les âmes célèbres se sont bousculées aux portes du paradis. Et enfin, il faudra te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont offerts des vacances présidentielles, en rupture bien sûr, avec leurs habitudes estivales. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est toujours aussi bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est le retour de la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et ne crains pas de pratiquer l'ouverture. Yeah! Nuclear Family, c'est ce que pensait le groupe Sister Sledge en 1979, mais c'est aussi ce qu'on murmure au Parti Socialiste cet été, car c'est bien connu, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Alors, pour entamer sa troisième saison, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de revenir sur les événements marquants de l'été 2007. Et pour débuter cette émission, il faut, comme il se doit aujourd'hui dans les médias, de parler de son excellence, M. Nicolas Sarkozy, président de la République française et coprince d'Andorre. Oui, mon ami, comment s'est passé le premier été présidentiel ? Eh bien, ce bel été, il n'a véritablement commencé que le 14 juillet avec le défilé militaire. Un exercice protocolaire dans lequel président Sarko a su insuffler là aussi son esprit de rupture. Laisse-toi aller et apprécie le show. Dégradé à blanc en Weston et Starco. Tous les mecs sont là à jouer les gosses beaux. Ça, faire le beau, il maîtrise bien Sarko entre Garden Party et Polnareff Show. Mais attention, parfois, président Sarkozy, il sait s'effacer pour mettre en avant d'autres personnes que lui-même. Par exemple, un soir à la mi-juillet, il a trouvé les mots justes pour convaincre Cécilia d'accepter une mission de planète assistance, digne des rapatriements de Coluche dans Banzai. Est-ce que tu aimes la France ? Mais bien sûr. Non mais par-dessus tout. Il faut voir, il y a aussi l'amour, le café liégeois de Johnny Hallyday. Bref, tu aimes la France. Si tu aimes la France, tu aimes l'ordre. Si tu aimes l'ordre, tu aimes la légalité. Par conséquent, tu condamnes les situations fausses. Hé, hey, au fond, tu es une héroïne, hein? Et en effet, Cécilia est devenue une héroïne en Bulgarie, où elle a atterri le 24 juillet avec les infirmières et le médecin bulgare condamné à mort par le débonnaire colonel Kadhafi. Monsieur Kadhafi, Madame Sarkozy dit qu'elle vous a convaincu de libérer les infirmières bulgares. C'est ça, c'est vrai. Oui, disons qu'elle a su trouver les mots justes. Elle est arrivée, elle m'a dit, libérez-les, c'est une bonne action. Ces infirmières souffrent, libérez-les et vous verrez, ça vous fera du bien. Et ça vous a fait du bien ? Ah ben ouais. Dès le lendemain, j'ai reçu une centrale nucléaire, deux avions Rafale et une livraison d'armes. Un bien fou. Qu'est-ce qu'elle est forte, notre présidente. Ah oui. Elle est sacrément forte, la présidente. Parce que Kadhafi et ses infirmières bulgares, c'est quand même beaucoup plus chic que David Douillet et ses pièces jaunes. Alors, après cet exploit diplomatique à la hussarde, qui nous a valu d'ailleurs des critiques acerbes de la presse internationale, les jaloux, la Sarkozy Family est partie se faire dorer la pilule aux States. Le clan présidentiel s'est donc rendu dans une somptueuse propriété à Wolfboro, une petite ville du New Hampshire. Loué 44 000 euros les deux semaines par des amis richissimes, Nicolas Sarkozy a pu passer des vacances tout frais payées au club MEDEF, bien sûr, et président Sarkozy, il a adoré ce havre de paix et de luxe. Super, génial, trop top, inouï, trop beau, groovy, trop frais, cheesy, classieux, stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, villa, champagne, taxi, ify, dolby, botox, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP! T'es trop VIP! Ainsi, entre jogging et baignade, Nicolas Sarkozy se la coulait douce à Wolfboro, jusqu'à cette terrible matinée du 11 août, jour de la Burger Party organisée par président Bush et par George Bush père. Car figure-toi que Cécilia a annoncé qu'elle ne viendrait pas puisqu'elle ne voulait pas d'un tête-à-tête de bouche à bouche. Nicolas Sarkozy, pour la convaincre, a alors menacé d'utiliser sa force de dissuasion. Mais Cécilia, ça ne l'impressionne pas du tout. J'y crois pas, mec. Redescends ta planète. Tu te prends pour Tony Montana. T'as même pas le poil sur la quéquette. Il me dit vas-y, sois pas vulgaire. Tu vas voir où je veux te la mettre. Tu dis c'est moi qui suis vulgaire. Non, mais là c'est la fête. Je rêve. Pour qui tu te prends maintenant? Tu t'arrêtes. Je descends, il descend. Je dis c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon. C'est ainsi que président Sarkozy s'est rendu seul, sans sa cédille donc, chez les Bush, où il a piteusement tenté d'excuser l'absence de Cécilia, soi-disant gravement atteinte d'une angine blanche. Président Sarkozy, il a surtout voulu rompre avec l'anti-américanisme dont on accuse trop souvent la France. Et d'ailleurs, il l'a dit aux journalistes que W. Bush, ben... C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Et il est vrai que président Bush est un vrai cador dans la préparation des hamburgers. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'en est goinfré toute la journée. Et le soir, quand il est rentré à Wolfboro, il a retrouvé Cécilia complètement remise de son angine blanche, grâce sans doute aux recommandations d'une infirmière bulgare. Cécilia, elle a surtout remarqué que malgré les joggings successifs, Nicolas Sarkozy avait bien profité de la burger party. Quand je te vois de face ou de profil, ça me change de l'homme qu'a su me plaire. T'as une bouée autour du nombril et des valises sous les paupières. C'est fou ce qu'est la raison, ma mère, qui t'appelle chef-d'œuvre en péril. Face aux moqueries de Cécilia, Nicolas Sarkozy lui signale vertement que c'est lui le chef, le président de tous les Français. Mais ça, Cécilia, elle s'en fout. D'ailleurs, elle n'a même pas voté pour lui au second tour des présidentielles, alors... Nicolas Sarkozy, il n'en peut plus. Et comme à chaque fois que Cécilia lui résiste, il part faire un jogging. Oui, pour président Sarko, vivement la rentrée. En France, au moins, il n'y aura pas grand monde pour lui tenir tête, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'un député vous a pistonné ? Pour vous. Quoi ? Abonné au gaz. Ah non, j'avais un tuyau. Et c'est bien ce qu'il faut. Quand on veut avoir le gaz, je fais mes petits coups en dessous. Et j'entends déjà les jaloux qui disent d'un ton aigre doux, c'est toujours les mêmes qui ont tout. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Bip bip. C'est clair. C'est simple et c'est net, tout autant que la privatisation de Gaz de France. Ben oui. Ce qui est surtout simple et clair, c'est que le MEDEF, il aime les privatisations faites pour le MEDEF. Tout comme les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas de flamme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie. Froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole. Et là s'il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes. Les femmes elles aiment les hommes à femmes. Y a plus de flammes, au paradis s'en vont les âmes. Alors elles crèvent l'ennui, se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair, qu'elles remontent d'un air si fier. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche des manières? La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour tordre son mouchoir. Les dames, même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes de plage qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques et sauvages, faites la vie d'âmes honnêtes, catherinettes et nonnettes, runes ou blondes, minces ou rondes, vous êtes sur la map monde pour prendre plaisir comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas, il est trop tard pour mordre son mouchoir. La vie s'envole. Une ritournelle de Jeanne Moreau chantée par Mademoiselle Noguera. Une ritournelle également reprise tout l'été sur les charters de la compagnie Brice Hortefeux Airlines. Alors, il est 11h22 et après avoir décortiqué la saison estivale de la Sarkozy Family, il est tout à fait logique désormais de nous intéresser durant quelques minutes à l'opposition. Et là, lorsque tu entends « opposition », immédiatement une question te brûle les lèvres. Quelqu'un aurait-il des nouvelles de la gauche? Eh bien, tentons de découvrir ensemble, mon ami, quel fut l'été des socialistes. Connais-tu ces contrées hostiles et reculées que les Russes appellent communément les steppes? Eh bien, c'est là-bas, figure-toi, dans ces régions arides, que le Parti socialiste a décidé cette année de planter son parasol durant tout l'été. C'est ainsi qu'à la fin du mois de juin, après avoir tout perdu, les socialistes ont pris la route en direction du désert. À l'époque, François Hollande, tel un berger, tentait de rassurer ses brebis égarées. Il n'y a plus de François. Faut arrêter de m'appeler François. Hein. C'est terminé, les François. Il y en a marre, les François. Vous me foutez la paix avec les François. Je vous ai rien demandé. Ça suffit, les François. Merde au François Bonheur, d'accord? Le chemin de la reconquête s'annonçait long et pénible. C'est la raison pour laquelle, au début du mois de juillet, certains socialistes opportunistes, tels Jack Lang, ont tenté de rencontrer leur camarade Bernard Kouchner afin de rejoindre les troupes de la majorité présidentielle, bien entendu. Seulement voilà, face à Jack Lang, notamment, M. Kouchner n'a pas été très explicite sur la démarche à suivre pour entrer au gouvernement. Mais ce sont des gens, si tu veux, qui se réunissent régulièrement. Oui, mais en même temps, non, hein. On n'y entre pas comme ça. Si? Mais non, je sais pas, tu y entres. En... Moi, par exemple, si je voulais y entrer. Mais pourquoi pas? Mais toi, t'es entré comment? C'est un vague copain qui me l'a proposé. Mais un type que je connais? Mais non, écoute, je crois pas. Non. Et une fois qu'on est entré, on fait quoi? Rien. Bien sûr, je pourrais pas passer une journée en tête à tête dans un bureau avec l'un d'entre eux. Mais de les voir de temps en temps, puis d'être avec eux, moi, ça, c'est une sorte de camaraderie primitive. Il n'empêche que très vite, le 16 juillet, Jack Lang a saisi ce que signifiaient les principes de cette camaraderie primitive puisqu'il a planté la caravane socialiste qui prenait la direction du désert, donc préférant siéger dans une commission de réflexion sur les réformes institutionnelles mises en place par président Sarkozy. Quant à Ségolène Royal, qui ne suit jamais les directives du parti, elle a préféré, à la mi-juillet, s'envoler pour la Corse où Madame Royal, en compagnie de sa fille, a énormément feuilleté la presse pour se tenir informé, bien sûr, des nouvelles du monde. Ce n'est pas pour les gros titres en noir que j'achète mon journal du soir, ni pour la rubrique des sports, rubrique des sports. Je parcours d'un vague regard la plus grande part de mon canard et je lis les potins d'abord, les potins d'abord. C'est ainsi qu'au cœur de l'été, les socialistes français ont totalement disparu. Au final, seules les personnalités de gauche du gouvernement demeuraient dans l'action. Cela dit, une action sous contrôle tout de même, puisque chacun d'entre eux, que ce soit Fadela Amara, Bernard Kouchner ou Éric Besson, ont reçu de drôles de messages sur leur téléphone portable durant tout l'été. Ici la voix. Numéro 1, toujours partagez vos idées avec la voix. Numéro 2. Justifier de manière claire et honnête son opinion dans les commentaires. Numéro 3. Toujours se méfier des apparences. Numéro 4. Ne jamais chercher à savoir qui est la voix. Je suis là en permanence. Je ne vous lâche jamais. C'est tout pour le moment. Eh oui, Big Brother est partout. Mais bon, toujours est-il qu'il a tout de même bien fallu que les authentiques socialistes, eux, finissent par sortir du désert à la fin du mois d'août pour organiser leur traditionnelle kermesse de La Rochelle. Seulement voilà, pour les raisons que l'on sait, Madame Royal a exigé que tout soit organisé afin qu'elle n'y croise pas M. Hollande. Ce qui n'a pas été sans surprendre François tout de même, qui d'ailleurs s'en est étonné auprès de son intimité la plus proche désormais. Tu te rends compte que c'est une femme à laquelle j'étais marié pendant 10 ans? Oui, oui, on faisait l'amour, je lui tenais la tête au-dessus des toilettes quand elle vomissait. D'avoir fait l'amour avec toi? Mais non, pas d'avoir fait l'amour avec moi, d'avoir mangé des sushis. Bon, Dieu, je la tenais serrée contre moi quand elle avait peur en avion. Et tu sais, je l'ai embrassée en haut de la tour Eiffel. J'ai nagé au clair de lune avec elle à Montauk. Et voilà que maintenant, il faut que je prenne rendez-vous avec elle. C'est dans ce contexte particulier qu'on pourrait appeler la guerre des roses que les socialistes se sont retrouvés le week-end dernier en Charente-Maritime afin d'apaiser les querelles et les rancœurs issues de la défaite et surtout pour mettre au point la feuille de route qu'ils devront suivre dans les mois à venir. Mais alors, quelle est donc la nouvelle doctrine du parti ? Le grand soir, c'est fini. Les socialistes sont là pour la réforme exigeante. C'est François Hollande qui l'a déclaré à La Rochelle. L'université d'été du PS est placée sous le signe de la rénovation. Ils devront déjouer les pièges de la nature, survivre et surtout survivre aux autres. Telle est la loi impitoyable de Koh-Lanta. Le rendez-vous est pourtant boudé par bon nombre d'éléphants. Laurent Fabius, Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn en tête. Au départ, ils étaient 16. À la fin, il n'en restera qu'un. J'ai envie d'abord de vous dire quelque chose de très simple. À vous voir, à vous entendre, je sens comme un vent nouveau sur La Rochelle aujourd'hui. Je crois que c'est normal, nous sommes au bord de la mer. J'aime votre humour. Bon, en effet, l'ambiance estivale au Parti Socialiste, en gros, ce fut règlement de compte à Hockey Choral. Cela dit, attention, car figure-toi que le Mangin Palace s'est procuré un enregistrement secret dans les coulisses de La Rochelle qui nous révèle ce que pense réellement François Hollande de son ex-candidate à l'élection présidentielle. Alors, écoute bien ce document exclusif, réalisé avec trucage, bien sûr, mais qui peut laisser entrevoir un avenir meilleur pour l'ensemble des militants socialistes français. Ségolène, c'est pas moi qui l'ai choisi. Nous sommes dans la religiosité, dans le surnaturel, dans l'irrationnel. Ségolène Royal nous fait mal, collectivement, bloquée comme elle est, en panne telle qu'elle est, incapable de porter un projet. Et on aurait envie d'une Ségolène Royal plus politique, plus sociale, plus protectrice. Elle n'est pas là. La démocratie participative, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement l'œuf et la poule. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Bon, alors là, forcément, si tu es militant socialiste, tu te dis « Ok, j'ai pigé, maintenant c'est Sarkozy forever ». Eh ben, faut voir, parce que durant l'été, il y a tout de même un socialiste qui a tiré son épingle du jeu, c'est le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Et oui, auréolé d'un immense succès populaire dans la capitale, Monsieur Delanoë, lui, est arrivé très en forme à l'université d'été de La Rochelle. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos, à vélo. Et le tramway, et les couloirs de bus, Paris-Plage, la nuit blanche. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Alors arrêtez de dire que j'ai rien fait pendant 6 ans. Eh oui, le désormais célèbre Vélib, suffira-t-il à sauver la gauche de la crevaison ? Réponse au printemps prochain, puisque nous suivrons ici, bien sûr, les élections municipales. Cela dit, si certains d'entre vous demeurent sceptiques quant à l'avenir de la gauche en France, et qu'ils considèrent notamment que le Vélib, ça reste un peu maigre comme programme politique, eh bien, la panique leur propose ce matin d'écouter ce qu'a imaginé le groupe d'intervention surréaliste à propos du destin de notre communauté nationale dans les prochaines années. C'est un canular, bien sûr, mais on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Ah mais une dépêche m'apprend un instant une bien triste nouvelle. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus. C'est officiel Boris, je me trouve actuellement sur la place Balkany face à l'hôpital et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait à peine son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy, dans sa traditionnelle robe bleu, blanc et rouge. Le multimédiateur Arnaud Klarsfeld est là aussi, soutenu par Stevie, le ministre des coiffeurs. Je vois aussi des représentants des cultes qui sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a tant fait pour la prospérité de leur entreprise. Les catholiques, les musulmans, les israélites, les témoins de Jéhovah, les raéliens, les chiites adventistes, les pentecôtistes, presbytériens, les bouddhistes lucifériens, les animistes fondamentaux. Ils sont tous là. La presse est également représentée avec les présidents des conseils d'administration de Dassault, Lagardère, Bouygues, sans oublier les paparazzis officiels de Paris Match et de VSD. Je me dirige tout de suite vers les laboratoires Ron Hubbard qui jouxte l'hôpital. Nous allons maintenant guetter la fumée rouge qui annoncera que le successeur de Nicolas Sarkozy, sa pensée nous guidera à jamais, est prêt à reprendre le flambeau. Et oui, car on s'en doutait, c'est bien le clone de Nicolas Sarkozy, béni soit son ADN, qui assumera désormais les fonctions laissées vacantes par son modèle. Il vient de faire son apparition à la porte du laboratoire, un clone en tout point semblable à l'original, 1m90 pour 85 kg, les yeux gris acier, la peau hâlée de l'aventurier que rien ne peut effrayer. Une démarche assurée, on se réjouit de retrouver un Nicolas Sarkozy frais et énergique, comme lors de son premier et mémorable quinquennat. Que sa semence soit honorée, Nicolas Sarkozy est mort, vive Nicolas Sarkozy 2.0. I don't think you realize, don't think that you recognize just how much you mean to me and that you make me so happy. I wish that you were happy too, because it means so much to me. And all of, I know of, that we've got better days. And all of, I'm sure of, that we will conquer the world. I regret what I've done and said. I screwed up things inside your head. But all I want is for you to know is that when you grow old, you won't remember it at all. And oh, oh, I know, oh, that we've got better days. And oh, oh, I'm sure, oh, that we will conquer the world. C'est le titre de cette balade australienne interprétée par Mickey Green. Une chanson pas prise de tête, mais qui lutte contre la migraine. Alors, l'horloge du Mangin Palace nous indique qu'il est désormais 11h35 et dans la foulée de ce reportage pour le moins fantaisiste, intéressons-nous justement maintenant aux véritables décès qui n'ont cessé de ponctuer notre saison estivale. Bon, au départ, Saint-Pierre devait passer 2 mois peinard au paradis, seulement voilà, il a fait les frais de cette nouvelle maxime qui dorénavant gouverne le monde, à savoir travailler plus sans gagner plus. D'autant qu'il est bénévole, Saint-Pierre. Quel fut donc, mon ami, l'été du gardien des clés ? Avant tout, il faut savoir que le premier des apôtres avait tout de même l'obligation cet été d'organiser quelques anniversaires importants. Il s'agissait de fêter notamment les 50 ans de l'arrivée de Sacha Guitry au paradis, mais également les 30 ans de présence d'Elvis, mais aussi la première décennie de la princesse Lady Di. Cela dit, très vite, vers le 10 juillet, Saint-Pierre a dû faire face à quelques soucis logistiques. Jésus, notamment, qui devait le seconder dans les préparatifs, n'a pas arrêté de déconner. Ce qui a d'ailleurs conduit Saint-Pierre à aller se plaindre auprès du Père Tout-Puissant. « S'il dort pas la nuit, c'est de la faute à Lady Di. Vous savez ce que j'ai découvert ce matin dans le camion ? Le catalogue des 3 Suisses ouvert au chapitre des nuisettes. Il avait découpé la photo des pin-up pour y mettre celle de la princesse à la place. » Heureusement, la Vierge Marie est intervenue très vite afin de vilipender Jésus. Et puis, ce fut la tuile, puisque l'incendie s'est propagé en Grèce. Résultat, De nombreuses et malheureuses victimes sont venues frapper à la porte de Saint-Pierre. Et devant l'afflux inattendu de ces nouvelles âmes, Saint-Pierre espérait un geste humanitaire de certains pensionnaires fortunés. Mais là encore, pauvre Saint-Pierre, personne n'est venu l'aider. Moi, je connais pas du tout celui qui a foutu le feu. Le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il a su s'y prendre. Fallait voir le boulot, ça flambait pas qu'un peu. En une heure, tout est cuit, toute la crèche est en cendres. Ils vont la trouver rude, surtout que dans le patelin, ils sont plutôt mal vus, riches comme tous les Crésus, un secret pour personne. Mais depuis 25 ans qu'ils sont ici, voire plus, ils ont tous, comme on dit, mal à la main qui donne. Totalement débordé, Saint-Pierre a dû payer quelques heures supplémentaires détaxées à une brigade d'archanges afin qu'ils accueillent dignement les victimes de l'incendie grec. Surtout que Monseigneur Lustiger fut lui aussi appelé à rejoindre les cieux. Bien sûr, il fallait une réception en grande pompe et du coup, c'est en catastrophe bien sûr que Saint-Pierre a organisé un petit truc à la buvette. Cela dit, Monseigneur Lustiger, il avait l'air ravi. Il y a Boris Vian, mon passant et bruant. Écoutant les histoires d'un coluche hilarant, je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de mes proches, les Reiser et le tonton, Gainsbourg et au piano, jouant sa javanaise, et nous chante l'amour qu'il appelle la baise. De Verre est là aussi, dans un coin, il trinque avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe. Ensuite, ce fut l'horreur pour Saint-Pierre. En 48 heures sont arrivés Bergman, Antonioni et Michel Serrault après leur passage au purgatoire. Évidemment, le paradis l'été, c'est un peu comme les hôpitaux publics, on manque de lits. Du coup, Bergman et Antonioni ont été collés dans la même piole. Oui, sauf que voilà, le Suédois, le vieux Bergman, écoutait sa musique classique à fond, dis donc. Et là encore, Saint-Pierre a dû intervenir pour dire au génialissime cinéaste suédois que, certes, lui aussi, il adore Abba, mais que bon, ici aussi, il faut faire gaffe à ses colocataires. Hein ? À peine ce problème fut-il réglé que Raymond Barre s'est pointé devant la porte du paradis. Pris de court, Saint-Pierre n'a pas eu d'autre choix que d'installer Babar dans la même chambre que Michel Serrault. Alors là, je te laisse découvrir le dialogue entre les deux nouveaux pensionnaires du paradis. Détends-toi. Oui. Il ne faut pas précipiter les choses. Nous avons tout notre temps. Je me réjouis d'être dans cette situation. Ben toi alors. Je crois que quelques expériences passées ont montré qu'il valait mieux être loyal que de ne l'être pas. Toi, t'as tout compris, non ? Voilà ma position. Mais comme je ne mélange jamais ma vie privée et ma vie publique, je garde pour moi-même les déclarations que je me fais à moi-même le jour de mon anniversaire. L'homme est faible. Lorsqu'ils perdent la fonction, ils sont malheureux. Mais quand l'homme prend conscience de sa faiblesse, quand il prend conscience de sa fragilité, et quand il prend conscience de sa laideur, car il est laid, l'homme. L'homme est laid, tu es bien d'accord. J'ai toujours manifesté mes préférences. Oh, seule la femme a tout reçu des dieux. Cela est évident. Car la femme est la copie de l'homme, mais nous n'en sommes que la caricature, car nous les hommes, nous sommes... Nous sommes moches. J'ai toujours manifesté ma sympathie pour le mouvement démocrate chrétien. Ah, ce qu'on est moche. Et je suis un libéral. Oh oui. Arrêtez-le, attrapez-le. C'est un voyou qui veut m'assassiner. Au cachot. Primo, Saint-Pierre a tout de même rappelé à Michel Serrault qu'ici, ils ne risquaient plus grand-chose, mais surtout qu'ils allaient tous devoir se calmer immédiatement, sinon ils seraient tous privés du magnifique concert qu'Elvis allait donner au paradis dans quelques jours. La quiétude céleste était à peine revenue vendredi soir, qu'un nouveau pensionnaire pointait son nez, qui lui a immédiatement tenté de se la jouer faillot. Ave Maria, gratia plena. And war is always the choice of the chosen who will not have to fight. Mais quelle est cette seconde voix qui accompagne Luciano Pavarotti, s'interroge Saint-Pierre. Mais oui, c'est bien Bono. Certes, malheureusement, Bono est mort cet été sur France Inter, mais il n'est pas question pour l'instant de l'accueillir ici. Le parrain fut donc illico réexpédié sur Terre. Et puis, alors que le premier des apôtres venait de s'endormir, il fut brusquement réveillé. On venait de frapper à la porte. Saint-Pierre jeta un coup d'œil par le Judas et aperçut Dominique de Villepin. « Encore une erreur !» s'est exclamé Saint-Pierre. Cela dit, Dominique de Villepin, lui, a tenté de plaider son cas. « Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai maigri, je suis aigri. Je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux, mais j'en peux plus. » Refus catégorique. Monsieur de Villepin a lui aussi été recalé. D'ailleurs, la semaine prochaine, ici même, nous te dévoilerons la résurrection de Dominique. En attendant, Saint-Pierre n'a pas chômé de l'été. Et hier soir, comme prévu, pour célébrer le 30e anniversaire de sa mort, Elvis a donné un concert. C'était magique. C'était le King Elvis remixé par Junkie XL, Little Less Conversation, autrement dit un peu moins de bavardage. C'est ce que te proposait en 1972 le Bouddha Elvis. Puisque tu n'as qu'une langue mais deux oreilles, tu dois donc écouter deux fois plus que tu ne parles. Alors maintenant, pour poursuivre notre évocation des mois d'été qui viennent de s'écouler, il est grand temps à 11h45 de retrouver nos deux héros estivaux, les inénarrables Monique et Jean-Claude, qui ont passé des vacances, comment dire, particulières. En effet, jusqu'à cet été, c'était toujours Monique qui avait choisi leur lieu de villégiature. Mais cette année, Jean-Claude a pris les choses en main et il a imposé à Monique la rupture avec leurs habitudes. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. Donc, fini Vesoul et Vierzon. Jean-Claude choisit une destination ensoleillée et littorale, à savoir la charmante station balnéaire de Biarritz. En fait, Monique est assez contente de ce choix. Et un tel qu'un matelas pour se relaxer. C'est ainsi que Monique et Jean-Claude se retrouvent en maillot de bain et en tongs à Biarritz. Alors qu'ils se dirigent tranquillement vers la plage, enduits d'écran total, Jean-Claude fait une analyse de la situation digne de Joël Collado. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie le beau temps, et moi j'ai tout mon temps. Jean-Claude attend patiemment que la pluie cesse et Monique, trempée mais jusqu'au boutiste, s'installe sur le sable mouillé. C'est alors qu'un homme vêtu d'un imperméable s'approche d'eux. Jean-Claude le reconnaît aussitôt. C'est incroyable, il s'agit de président Chirac qui passe lui aussi ses vacances à Biarritz. Jean-Claude et Monique viennent donc de faire la connaissance de président Chirac à Biarritz, sous la pluie de cet été pourri. Président Chirac les invite alors dans sa thalasso. Jean-Claude a tout de suite accepté car, excité et impétueux, il veut instaurer une stratégie de rupture dans son rythme de vie. Monique, elle, cette invitation, ça la saoule. Elle a bien pensé prétexter une angine blanche, mais ce n'est pas crédible. C'est ainsi que Monique et Jean-Claude se sont retrouvés chez les Chirac et Jacques les a très bien accueillis. Hop, hop, hop. Doucement, Jackie, c'est le premier. Hein. Tu t'es mis à la couillette ? Je maîtrise la consommation. Parce que je te signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours. 25% du budget vacances, alors ça va, hein ? C'est sûr que le jour où ils inventeront le Ricard Diesel, on fera des économies. Un mot, un geste, et Jackie fait le reste. Le courant a l'air de bien passer entre Jean-Claude et Jacques. Les deux hommes discutent sous la pluie au bord de la piscine. D'être invité par des personnes très riches, Jean-Claude, ça le flatte. Être l'ami des milliardaires et des patrons, ça a toujours été son rêve. Monique semble moins à l'aise. D'ailleurs, cela intrigue président Chirac, qui en fait part à Jean-Claude. Votre femme se plaît ici ? Oh oui. Il lui en faut très peu pour qu'elle se sente bien. Villa, piscine, champagne, elle a des goûts simples. C'est la Dolce Vita, hein, chérie ? Président Chirac trouve tout de même que ce Jean-Claude-là, il fait un peu nouveau riche. Mais comme il est galant homme, président Chirac, il s'en va voir Monique qui semble quelque peu tracassée. C'est alors que Monique se confie à l'ancien président. Ce soir j'ai du chagrin, Jacques, j'ai envie de pleurer. Moi qui ai mon copain, Jacques, je voudrais te raconter. Mais en attendant, chante-moi ta chanson, Jacques, chante-moi ta chanson. Président Chirac est un peu désabusé face à la demande de Monique, mais bon, il s'exécute immédiatement. Celui qu'on appelait le voyou de la plage, qui vivait tout l'été, jambes nues, cheveux fous, qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces, c'était moi. Celui qui ne payait jamais les gaufres ni les glaces. Monique se dit que décidément, des frais de bouche de la mairie de Paris aux confiseries de Biarritz, il y en a qui savent y faire. Hein. Président Chirac, toujours à l'écoute de Monique, insiste et lui demande ce qui peut bien la tracasser. Monique lui explique alors qu'elle est un peu inquiète du comportement de Jean-Claude ces derniers temps. Il cherche à se faire des amis riches, il s'est mis au footing, il a des bourrelets et puis surtout, il y a tous ces tics nerveux là. Tout à coup, sans que Monique comprenne réellement pourquoi, président Chirac bondit dans direction de Jean-Claude et lui déclare « Je vous déteste. Oui, j'avoue, et d'un seul geste, je vous balais. Vous pouvez rire, pousser des cris, tout ça ne m'inspire que du mépris. » Monique et Jean-Claude sont donc virés de chez les Chirac. De retour dans leur caravane et dans sa volonté de tout contrôler, Jean-Claude décide, avant de se coucher, d'appeler son fils Rémi, élève studieux, qui est parti à Londres en voyage linguistique. Jean-Claude craint que son fils modèle ne souffre des inondations ou de la fièvre afteuse. Mais au bout du téléphone, Rémi explique à son père que le voyage linguistique se passe plutôt très bien. J'ai pris un charter pour Londres. J'ai traîné pendant 4 ou 5 jours. J'ai rencontré le plus grand des DJ. J'ai vu la relève de la garde. J'ai écrit une carte à ma mère sans l'envoyer. J'ai acheté du speed à un rital défoncé qui voulait m'enfiler un vélo volé. J'ai fumé du hash avec trop de tabac. J'ai vu la Tête Galerie et Big Ben. J'ai bouffé des trucs bizarres anglais. Il pleut trop et c'est cher, alors je vais à Amsterdam. Les Hollandais parlent anglais, alors j'ai pas d'effort à faire. J'ai visité un sex shop et un musée du sexe et fumé un max de hash. J'ai rencontré une comédienne et on a bu de l'absinthe. Les musées sont d'enfer. Les Van Gogh et les Vermeer sont super. Je suis goinfré de pâtisserie et de gaufres. J'ai chanté avec une néo-zélandaise et j'ai pris le train pour Paris. Jean-Claude est horrifié de ce que lui raconte son fils. Bon, d'accord, Jean-Claude prône la rupture, mais pas dans ce sens-là, bordel! Jean-Claude exige alors de son fils qu'il rentre immédiatement dans le droit chemin. Ce à quoi Rémi répond qu'avant l'été, son père, il était franchement plus cool. Hein. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise. Et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. C'est ainsi que Kaoutan, à travers les saisons, c'est ainsi que, regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller. Le chemin de papa, c'est celui que te proposait de suivre Joe Dassin en 1969. Mais c'est aussi ce qu'ont dit les membres du gouvernement à Papa Sarkozy avant-hier lorsqu'ils ont dû se taper Paris-Strasbourg pour assister au Conseil des ministres. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration au cœur de l'été 2007. De l'angine blanche à l'harmonie socialiste, de Rémi sous la flotte à Londres aux infirmières sous la canicule à Sofia et de la Grèce brûlée à Pavarotti, nous t'avons dressé un panorama incomplet et bien entendu subjectif de ce qu'ont pu être tes vacances estivales. Pour finir, une question. Cet été 2007 est-il celui de la rupture ou plutôt celui de la continuité? Bien sûr, il y a des changements importants. Suppression du poste de Premier ministre, suppression du soleil et disparition de l'opposition. En revanche, certaines choses sont immuables, comme par exemple le pèlerinage du 15 août à Lourdes, mais aussi les performances cyclistes sur le Tour de France ou encore le poids des mots et le choc des photos retouchées. Au final, ce fut un été chargé d'une farandole de surprises entre joie et désillusion et qui, comme d'habitude, nous laissera son lot de... Souvenirs, souvenirs, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Soir de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, souvenirs, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder